l'esprit fatigué, yo, oh, maman. Chérie, tu sais, l'absence de celle qu'on aime donne beaucoup de pensées à l'esprit. Malgré ça, chérie, je t'aime. Oh ouais, yo, je t'aime. Vraiment, de tout mon esprit.